Une mantelle courte de souet en graines a affublé sur sa chemise six sept en aventure mise comme hardie et courageuse. Mais ce n'est ni pour oiseuse, ainsi se pense qu'elle ira à son hoste et s'il y dira de son affaire une partie. Lors c'est de son lit départi et issu force de sa chambre, à tel peur que tuit les membres, les tremble et les corse les sueurs.